Section 9 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Gillian Hendry. La lecture, tome 6e. Section 9. Comme nous sommes, par Louis Dupré. Nous pardonnons peut-être quelquefois à ceux qui rient de notre gravité, jamais à ceux qui ne rient pas de nos plaisanteries. Le pire inconvénient d'une humeur irritable, c'est de nous faire passer pour les bourreaux quand il nous arrive d'être la victime. Une des façons les plus commodes et les plus durables de dominer les autres, c'est de paraître croire non à leur mérite réel, mais à ceux qu'ils voudraient avoir. Sans doute, il y a dans l'imitation un comique propre, puisque nous éclatons de rire à la reproduction fidèle d'une chose peu plaisante, souvent par elle-même. Nous connaissons pire que la servitude, c'est la servilité. Il est plus rare de mériter un conseil que d'obtenir une louange. Quel supplice pour un esprit songeur et distrait, vivre avec des gens qui prêtent des motifs et des intentions à vos involontaires mines, à vos gestes les plus spontanés. Ce que nous appelons le bon vieux temps n'a pas manqué d'être le mauvais temps présent de nos dévanciers. On voit des gens dont il est facile de devenir le supérieur et impossible d'être jamais l'égal. Fin de la section 9.